Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas, Hélène? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que je suis malade. Tu as mal où? J'ai mal au dos. En plus, j'ai toujours froid. Et la nuit, tu dors bien? Bof, pas vraiment. La nuit, je pense à mon travail. Aïe, aïe, aïe, tu es stressée. Tu dois te reposer et prends des vitamines. Tu crois? Oui. Et ne va pas au travail demain. Repose-toi. Bon, très bien, je vais faire comme ça. Merci pour tes conseils.